Michel, qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Je match mon match de foot, regarde la télévision, mais il y a un problème. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Michel? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les deux jeunes à côté, là, ils mettent la musique à fond. Oh, bah non. Vous connaissez mon voisin? C'est un con. Mon voisin, c'est un con, et en plus, il n'aime pas les gens. Et mon voisin, c'est un con, et en plus, il n'aime pas les gens. Et quand vient 7h du soir, nous comme d'habitude, en train de fumer des gros pétards, et pour faire une ambiance plutôt sympathique, nous on a mis des mains, on a mis de la musique. Et lui pendant ce temps-là, il appelle les flics. Car mon voisin c'est un con en plus, il n'aime pas les gens. Et mon voisin c'est un con en plus, il n'aime pas les gens. Et les policiers sont arrivés, ont tout embarqué, et même le lecteur CD, la bouteille de whisky aussi. Junkie qui se prenait pour Castaldi. Castaldi. Mon voisin c'est un con et en plus, il n'aime pas les gens. Et mon voisin c'est un con et en plus, il n'aime pas les gens. Et quand je vois dehors avec sa bague en or, histoire de dire qu'un jour il a été marié à une vieille alcoolique qui en voulait pas lui, mais à son fric et à tout embarqué, même le lecteur CD. Le lecteur CD dans nos campagnes, c'est la révolution. Mon voisin c'est un con et en plus, il n'aime pas les gens. Et mon voisin c'est un con et en plus, il n'aime pas les gens. Et quand je lui dis bonjour, genre je peux pas répondre, je suis à la bourre, je suis sur boîte vocale, mais trop con, il n'y a même pas de portable. Et mon voisin c'est un con et en plus, il n'aime pas les gens. Et mon voisin c'est un con et en plus, il n'aime pas les gens. J'aime my neighbor, he's a fucking asshole. He doesn't like people, he's my neighbor, he's a fucking asshole. He doesn't like people, so when is your birthday? You wanna be party, I want it every day. So Mediterranean, he's Venture Espanol. You Merry Christmas and go away, because my neighbor, but he's a fuck, yeah. My neighbor, he's a fucking asshole. He doesn't like people, he's my neighbor, he's a fucking asshole. He doesn't like people, thank you. Oh, ce petit vieux jeune. Oh, mon Dieu, là-bas.